je t'aime. Joyeux Noël. Il y a les grands-parents et les petits-enfants qui attendent de repus le moment attendu. Quand avant les cadeaux, au moment des gâteaux, on met à la télé un joli Walt Disney. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. Comme à chaque fin d'année, il y a cérémonie, rituel instauré de Mickey et Minnie. Alors tout s'installe, belle image épinale, et la grand-mère s'omole dans les vapeurs d'alcool. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. Mais affreuse méprise, oh regrettable erreur, ils ont loué Bambix, oh. Et laissé un violeur. Et le grand-père étonné et la mémé choquée, malgré tout ce délecte de la dite cassette. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé X. On comprend leur émoi, il n'est jamais trop tard. Et danser les canards. On comprend leur émoi. Il n'est jamais trop tard pour faire tirer les rois et danser les canards. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, classé. Le canard de Noël, un canard. Astérix, je t'aime.